Un mal, chapitre 2. L'homme revint à l'aube se coucher dans le verger de la ferme. Les pâles lucescences opalisaient comme la veille l'épaisseur des pommiers. Les coqs claironnaient parmi le fumier. Dans les étables, les bœufs mugissaient. De petits nuages légers s'enroulaient au ciel d'une blancheur mince qui s'enfumait. Bientôt, des lumières roses réchauffèrent les gris d'étain du matin. Pas un souffle de vent n'agitait les feuillets. Elles s'étendaient, immobiles, largement étalées, et un silence pesait sur la campagne, comme un reste de nuit. Mais petit à petit, la vie montant avec le soleil, tout remua. Un fourmillement agita les herbes. Des bourgeons craquaient, les feuilles grasses de sève se mouvaient, un spasme souleva les terreaux fumants et mous. L'homme épiait les fenêtres de la ferme. Elles étaient closes encore, et la maison semblait dormir bien que le toit fumât et que la vie investît déjà les cours. Il ramassa des pierrailles, mais, sur le point de les lancer, se ravisa. Il était trop éloigné et se rapprocha. Des vaches sortirent, se suivant à la file et ballant leurs têtes cornues. Une pastoure, la même qu'il avait aperçue la veille, les chassait devant elle, criant « Udia !» et frappant du plat de la main comme d'un battoir celle qui s'écartait. Ses jambes faisaient une tache rouge dans l'herbe. Il ne les vit pas. Le troupeau s'engouffra dans le verger, monta la pente, s'étala avec sa belle tache mouchetée sur le vert des herbes, et la fille ayant fermé les clôtures, reprit le chemin de la maison. L'homme gagna le bois. Un chêne avait poussé parmi les hêtres. Des genoux et des mains il grimpa, atteignit une haute branche et s'assit dessus, les jambes pendantes. De là, il dominait la ferme. Des allées et venues maintenant remplissaient la cour. Il vit brouetter à la fosse les litières de la nuit. Une charretée de colza fraîchement coupée encombrait un hangar de son or souffreux. Et par moments, une silhouette remuait derrière la fenêtre au rez-de-chaussée, agitée et furtive. Ses yeux se dilataient alors, cherchant à reconnaître dans cette ombre vague la belle fille de son désir. Le fournil soudainement fuma et une odeur de bois brûlé se volatilisa dans l'air. Puis une voix sortit de la maison. La silhouette se détacha de la vitre, un instant demeura perdue dans l'ombre du corridor, enfin, émergea dans la clarté du seuil. C'était elle. Il la vit traverser la cour, portant sans fléchir le buste droit, de massive forme à pain, comble d'une patte éclatante. Il lui paraissait qu'il la voyait pour la première fois. Elle était grande, large d'épaules, les hanches saillantes, et ses bras nus avaient le ton bis du seigle. Sur sa gorge haute et drue, une jaquette de laine brune tendait. Elle entra dans le fournil. C'était jour de cuisson. Il l'entendit manier les couvillons, ratisser les cendres, gourmander la servante d'une voix vibrante et brève. Un instant, elle se campa sur le seuil, suante et rouge de la chaleur du four, et regarda les pommiers, les yeux demi-plissés. Ce fut une bousculade dans le chêne. Haussé sur sa branche, il s'agitait et lança un appel. Une gaieté la prit, et riant à pleines dents, elle montra du doigt à la méqueuse cette masse noire qui se balançait dans les feuilles et la saluait d'un grand geste. Quelqu'un appela, elle rentra à la ferme. De temps en temps, elle approchait son visage d'une des fenêtres et le regardait continuer sa garde obstinée. Cette ténacité la charmait. Elle subissait l'attirance de ce guet qui ne se lassait pas. Et résolument, elle alla se planter sur le seuil, la tête tournée vers lui. Elle tenait entre ses dents une branchette de lilas. Elle l'ôta, en couvrit son visage, puis l'agita du côté du chêne, et ce mouvement avait une douceur d'agacerie. Sous une large coulée de soleil, le chêne sonore et superbe rutilait, un bourdonnement sourdé de ses branches, dans ses feuilles tourbillonnées de grosses mouches saphirs, et l'arbre avait l'air d'un homme plein de pensées dans la clarté d'une gloire. Midi tomba avec son accablement. Il entendit un choc d'écuelles dans la ferme, et presque aussitôt les domestiques rentrèrent des champs, brisés, la peau rôtie. Il y eut un large cliquetis de fourchettes dans le silence des voix, puis, au bout d'une demi-heure, des claquements de sabots et de souliers ferrés traînèrent sur le pavé de la cour, décroissant insensiblement du côté des hangars, et un à un, les rustres allèrent s'aplatir sur les bottelets de paille, engourdis. La ferme s'endormit. La jeune fermière, alors, gagna le sentier qui longe le verger et mène au champ. Un chapeau de grosse paille tressée abritait sa figure, la rayant d'une ombre grise à mi-joue, et dans sa main, une serpe se balançait. Elle prit par le travers un labouret, côtoya un champ de blé et se trouva dans un pré de luzerne. Elle marchait lentement, du pas qu'ont les paysans à midi, sans tourner la tête, et ses fortes épaules se découpaient sur le ciel avec fermeté. Une fois dans le pré, elle s'accroupit sur ses genoux, et seulement alors regarda le chêne au loin. L'homme n'y était plus. Avec une certitude d'instinct, elle sentit qu'il arrivait. Elle en mêla ses doigts aux touffes d'herbe et du tranchant de la serpe se mit à les couper circulairement. Son sac était posé près d'elle, ouvert, et de temps en temps elle y tassait les luzernes à la force des poignets. Une tranquillité pesait sur les campagnes muettes. On n'entendait que le coassement des grenouilles dans la mare voisine. Et par moments, ce cri rauque se ralentissait, mourait dans la somnolence de l'air. Quelqu'un toussa derrière elle. Elle tourna vivement la tête et le vit planté droit à la lisière du champ, avec un sourire, immobile. Elle ne l'avait pas entendu venir. Machinalement, elle regarda ses pieds, croyant qu'il s'était déchaussé pour la surprendre plus facilement. Mais il avait de gros souliers de cuir à forte semelle, et les souliers n'avaient pas fait plus de bruit sur le chemin que des pieds nus. Un étonnement lui fit hausser les sourcils. Lui la regardait de ses yeux gris, très doucement. Il n'y avait plus la moindre hardiesse dans ce regard. Une timidité le tenait là, sans oser rien dire. Elle était demeurée à genoux, les bras nus, son ventre plongé dans la verdure sombre et haute. La tête à demi inclinée sur l'épaule, elle l'observait, satisfaite de le voir humble devant elle. Et tout d'un coup, le tutoyant sans y penser, elle lui dit « Qui es-tu ?»« Cachaperet, » répondit-il. Elle eut un étonnement. « Le braconnier ?» Il agita la tête de bas en haut plusieurs fois de suite. Alors elle reprit comme perdue dans une pensée. « Ah, oh, c'est toi qui es Cachaperet !» Et de nouveau il répondit en hochant la tête d'un mouvement lent et continu. Elle contemplait sa beauté rude d'homme des bois. Son torse carré se reposait sur des reins larges et souples. Il avait les jambes droites, la cuisse saillante, les genoux fortement dessinés, et ses mains étaient fines, sans callosité. Elle admira ses cheveux crépus et noirs, retombant sur un front court, et une admiration plus haute se joignait à celle-là. C'est que l'homme qu'elle avait devant elle était Cachaperet. Une terreur s'attachait à ce nom. On savait que partout où passait celui qui le portait, le gibier était en danger. Et cet homme redoutable, baissé la tête devant elle, soumis comme un animal. Au bout d'un temps, elle reprit « Pourquoi braconnes-tu ? » « Tiens, dit-il, parce que c'est mon idée. » Sa timidité s'en allait. Il continua. « Il y en a qui fondent du bois, il y en a qui labourent, il y en a qui font des métiers. Moi, j'aime les bêtes. » Il parlait en se dandinant, le corps redressé, fier de la besogne qu'il faisait. Elle s'était remise à couper de la luzerne, avançant la poitrine à chaque coup de sa serpe. « Ça donne-t-il de l'argent ? » demanda-t-elle. Des fois beaucoup et des fois moins. Moi, d'abord, il me faut rien. Elle s'informa comment il faisait pour vendre. Cela dépendait. Quelquefois, il allait porter son gibier en ville à la tombée de la nuit. Il avait des rendez-vous avec les marchands. On faisait le marché en buvant une chope. Et d'autres fois, les marchands venaient le trouver. Mais c'était plus difficile, car il logeait le plus souvent à l'auberge de la Belle Étoile. Sauf les jours de gros temps, qu'il passait chez ses amis les bûcherons. Du reste, tout le monde était de ses amis. Il n'avait de haine pour personne. Ah, si fait, pour ces brigands de gendarmes. Il en parlait avec dédain, en haussant les épaules. Cachapri s'interrompit. Une prudence l'avertissait de briser là. La fréquentation des bêtes l'avait habitué à se surveiller, et il paraissait à présent étonné d'en avoir tant dit. « C'est histoire de rire, tout ça, » dit-il. Elle le regarda fixement. « Tu as peur de moi ?»« Non. »« Il n'y a pas de danger que je te vende. » Il eut un air de défi. « Oh, moi, » dit-il, « ça m'est bien égal. » Il se fit un silence, puis à son tour, il lui demanda qui elle était. « Je suis la fille à Hulotte. C'est à nous, la ferme. » Et montrant du doigt les alentours, ça aussi, jusqu'à la haie qui est là-bas. Et il y a encore les prairies de l'autre côté de l'étang. Il haussa les épaules. Je suis plus riche que toi. Moi, j'ai tout ce que je veux. S'il y avait du lapin dans les terres de ta ferme, je l'aurais. Je suis un monsieur le baron partout où je suis, moi. Il lui demanda son petit nom. Pourquoi faire ? Tiens, pour savoir. Elle s'appelait Germaine. Elle avait trois frères. Le plus jeune était en pension. Il avait 18 ans. Il savait jouer du piano. Les deux aînés travaillaient au champ. Elle s'interrompit pour rire et les deux poings sur les hanches. « Devine un peu mon âge pour voir. »« 19 ans, quoi. »« Avec 2 ans en plus. Je suis déjà vieille, tu vois. »« Peu, c'est le bon temps pour les galants. » dit-il après un instant. « Oh, pour ça !» Elle hocha la tête, sembla dire qu'elle n'y pensait seulement pas. Mais il tenait à son idée. Une curiosité jalouse le stimulait. Et brusquement, il l'interrogea. « Voyons, qui ?»« Moi ? » ?»« Personne. » »« C'est fait. » »« Non !» Il s'avança résolument. « Alors, ce sera moi. » Elle se dressa sur ses poignets, riant d'un air hardi. « Toi, Cachapré ?» Il s'avança jusque près d'elle et, souriant, troublé, il prononça son nom avec douceur. « Germaine. » Elle attendait, troublée elle aussi. Il n'acheva pas et continua à la regarder de son œil gris, amoureux. « Quoi ?» fit-elle au bout d'un instant. « Tu sais bien, » répondit-il. Elle se releva, mit dans le sac la luzerne coupée et lui dit « Aide-moi à charger le sac sur mes épaules. » Il haussa d'un tour de main le sac jusqu'à son dos et comme elle se mettait en marche, il l'arrêta par le bras. « T'en vas pas comme ça. » Elle leva les yeux sur lui et ils demeurèrent à se regarder un long moment. Souriant, ému, amolli d'une même sympathie. Une rougeur était montée aux joues de Germaine. Cachapré tendit les bras. Elle lui échappa et descendit en courant le chemin qui mène à la ferme. Il resta debout à la regarder. Puis, quand elle eut disparu dans la cour, il s'enfonça dans le bois, furieux d'avoir été lâche, et se déchirant la chair avec les ongles.